ravitaille le fou. On court après cette osée, juste à en perdre le sommeil. Qui tient le sac dans le four, qui ravitaille le fou. On court après cette osée, juste à en perdre le sommeil. Dans nos blocs, c'est contre la vie qu'on se tape. En retour pour le top, il nous stop. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir qui tient le sac? Pas de pause, on va te faire coup de crosse. Coup de crasse, coup de grâce, beaucoup de cash. Et si tu commences, on finit l'histoire. Y'a pas d'espoir pour marquer le score. Dans le coffre, la frappe qu'on transporte. Alors au revoir, et négro, t'as mon blé. Elle a pas les critères, je la fais pas monter. Désormais, ton poteau vaut plus que la moitié. J'suis dans le coup des sports, j'tiens mon cop et mon t-shirt. Big up à tous mes bandits au j'tin. Passe dans ma zone et ta rose sont corrects. Par contre les stories sont horribles. Elle vira vu ma cocaïne. Si t'as pas de flingue reste mignon. La fumée de mon oin je m'emmène. Elle vira vu ma cocaïne. Qui tient le sac dans le four? Qui ravitaille le four? On court après cette oseille, juste à en perdre le sommeil. Qui tient le sac dans le four? Qui ravitaille le four? On court après cette oseille, juste à en perdre le sommeil. Qui tient le sac dans le four? Qui ravitaille le four? On court après cette oseille, juste à en perdre le sommeil. Qui tient le sac dans le four? Qui ravitaille le four? On court après cette oseille, juste à en perdre le sommeil. Le bénéfice pas sur toi, tu sais déjà. Grâce à Dieu, t'es le beau tous les jours, t'imagines. Et je sais qu'un jour la rue pourrait me tuer. Et je sais qu'un jour la rue pourrait me tuer. Commence par te calmer, enfoiré. Je veux pas de trucs quand on fait les comptes. Je fais j'entends pas ce que tu racontes. On aime les sables, dis-moi combien ça coûte. Que des victoires, pas de doute. On veut le bénéfice, c'est grosse fête dans ma grosse caisse. Ok, t'es prêt pour le cash. Enfile ta cagoule et prends le sac. Même entouré, je me sens grave seul. Je veux plus que maman frotte le sol. Donc j'y vais à fond, bien sûr qu'on y les fait. Pour sortir de cette mer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ma vie va si vite, prends taux de vitesse. Beaucoup d'élastiques autour de ma diase. Je compte le bénéfice, pas sur toi, tu sais déjà. Grâce à Dieu, t'es le beau tous les jours, t'imagines. Et je sais qu'un jour la rue pourrait me tuer. Et je sais qu'un jour la rue pourrait me tuer.